Sous la manchette « Événement important de la Corée en 2016 », la revue d'internet russe Lemchichi a présenté le 31 janvier des succès éclatants obtenus l'année dernière par les militaires et civils coréens sous la direction du Grand Parti du Travail de Corée dans la lutte pour sauvegarder la souveraineté et la dignité nationale et édifier une puissance socialiste.